Thank you.

Ça c'est cool. Attendez, si vous voulez, je vais mettre mon synthé aussi, ça va être bien. fait quoi comme on essaye de s'organiser des accords, des trucs comme ça. Arrête, je suis... Arriba! Thank you. basse, elle fait quoi, là?